Tag dein Mond in der Sommernacht hat mir die Ruhe vom Tage gebracht. Ein Nebelstein deckt die Wiesen zu. Ich hab Zeit, weiß nicht wozu. Ich wünsch mir, es wäre schon so weit. Eine Welt der Menschlichkeit. Und ich denk an eine friedliche Welt. Wünsch, dass jeder Kerker zusammenfällt. Dass jeder so einen Abend hat. Nirgendwo regiert der Hass und Verrat. Ich wünsch mir, es wäre schon so weit. Eine Welt der Menschlichkeit. Donc, première nouveauté, première exclusivité sur Radio Brume, la radio étudiante de la région lyonnaise, Stern Meissen. Stern Meissen, c'est un groupe de RDA, donc d'Allemagne démocratique, d'Allemagne de l'Est, qui vient de sortir un album en 88, donc c'est tout récent, qui s'appelle Nacht, on excusera ma prononciation. C'est pas un tout jeune groupe, puisque c'est son septième album, et oui, c'est un groupe qui existe depuis un certain temps. Alors qu'est-ce qu'il a d'original ce groupe, et pourquoi on en parle aujourd'hui, et pourquoi c'est une exclusivité? Tout simplement parce qu'un petit label de Rhône-Alpin, un label de la région de Valence et de Vienne, après un voyage là-bas et un coup de cœur pour ce groupe, a décidé d'importer et de presser en pressage français, donc de fabriquer en pressage français ce septième album de Stern Meissen. Nous avons eu donc un contact Radio Brume avec la petite maison de disques qui a donc un représentant sur Lyon et qui avait voulu nous de communiquer donc un exemplaire de Stern Meissen. Stern Meissen, c'est un des grands groupes de Berlin-Est, un groupe qui a fait du progressif et qui fait maintenant des choses peut-être un petit peu plus, je dirais, FM, mais très très agréable, comme vous avez pu le constater. Deux titres, Tausend Mal et Ich wünsch mir, excusez-moi. Voilà, donc c'est disponible partout, on trouve ça dans les grandes boutiques partout. Pour une fois qu'à bande à part, on vous propose des disques que l'on trouve un peu partout, il s'agit de ne pas hésiter. Voilà donc, bande à part, c'est la première de reprise pour 89. Alors qu'est-ce qu'on va souhaiter à tous les auditeurs de Radio Brume et surtout de bande à part cette émission de rock progressif qui perdure depuis maintenant 4 ans? Eh bien, plein de jolies petites choses, japonaises, italiennes, françaises et autres. Et aujourd'hui, bon, ben, on va faire un petit peu le tour des nouveautés, anciennes ou nouvelles, puisqu'on peut avoir des nouveautés anciennes quand c'est des rééditions, par exemple, par Muséa. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur le 90.7, que vous écoutez Radio Brume, bande à part. Le numéro de téléphone, on aime bien recevoir des petits coups de fil, là, ça fait plaisir, ça encourage, on se sent un peu moins seul dans sa cabine. 78 89 45 05, je recommence. 78 89 45 05. Et enfin, pour ceux qui sont un petit peu feignants, je dirais, du côté du téléphone, il y a aussi le Minitel 3615, Brume FM, on en reparlera tout à l'heure, notamment pour dire qu'il y a un splendide catalogue sur le rock progressif. On enchaîne tout de suite avec une petite perle du rock progressif français cette fois-ci, passé totalement inaperçu en 82, c'est Step Ahead, c'est-à-dire un pas en avant. Step Ahead avait sorti un album dans la lignée, je dirais, de Steve Hackett, sur RCA et qui est passé totalement inaperçu. C'est bien dommage parce que c'est un album de toute beauté. On va écouter deux morceaux enchaînés, deux morceaux extraits de cet album paru en 82, Step Ahead.

Et oui, le hard rock, ça peut aussi déménager et ça peut être aussi progressif, comme on vient d'entendre un instant, avec un groupe de Strasbourg qui s'appelle Arcane. Arcane, pas confondre avec un autre groupe de Clermont qui en 77 avait sorti un album assez intéressant chez Philips. Ça, c'est une démo en exclusivité sur Radio Brume, une démo donc de ce jeune groupe de Strasbourg, Arcane. Voilà, on va passer peut-être, si vous en êtes d'accord, encore que je n'ai pas beaucoup de... Encore que je n'ai pas beaucoup de numéros de téléphone. Je disais oui, donc on va peut-être passer aux nouvelles. Les news actuellement, qu'est-ce qui se passe sur le fond du rock progressif? Eh bien tout d'abord, bon, on reviendra pas sur l'affaire de Marillion qui a déchaîné les chroniques, entre autres dans Hard Force. Je reviendrai pas là-dessus, vu que bon, je n'ai pas de nouvelles plus précises. Si, peut-être que Fish ferait un album solo, mais ça on s'en doutait, et que le groupe Marillion lui-même allait sortir d'ici un mois un album, mais avec un chanteur qui reste encore mystérieux. Non, on va parler un petit peu des autres groupes, groupes japonais par exemple, puisque du côté du Japon, du côté de l'Empire du Soleil Levant, malgré le décès de leur prestigieux empereur, Hirohito, le rock progressif continue, avec entre autres un troisième album du splendide groupe Mugen. Mugen, je crois que il n'y a plus besoin de le présenter, vous avez entendu de larges extraits sur cette antenne, auteur entre autres de Leda et le Cygne et de Symphonia de la Luna. Et bien un troisième album vient de sortir. Même remarque pour Vienna. Vienna est un groupe aussi japonais qui tendrait moins vers symphonie et plus vers le hard. Bon, elle a sorti un album l'année dernière qui s'appelait Overture. Pas assez content de cet album, hop, on repart avec un deuxième qui vient de sortir qui serait nettement plus progressif, symphonique, donc tout à fait pour nous plaire. Au niveau des petits journaux, ce qu'on appelle couramment les fanzines, a signalé la sortie de Progressive Ammoniacal. Progressive Ammoniacal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Progressive Ammoniacal, c'est un petit canard bien sympathique de la région parisienne, bourré d'informations, entre autres de commentaires sur des concerts, de news en direct de Londres, un article bien sûr sur Marillion, que je vous conseille très fortement. De toute façon, je pense que lors de la prochaine émission, je pourrais vous l'apporter directement et vous indiquer où on peut trouver ça sur Lyon, parce que bien sûr, on trouve des choses progressives sur Lyon. Il suffit de le demander, bien sûr. Autre petit journal, Upsidia. Upsidia est à l'origine un canard pour soutenir un groupe qui s'appelait Skyline. C'est un groupe bien sympathique dans la lignée de Camel et de Pendragon, uniquement instrumental, qui après pas mal de vicissitudes, mais aussi un certain succès, a décidé de s'accorder une année sabbatique. Mais donc le canard continue à exister. Upsidia, c'est un journal aussi de la région parisienne, décidément ça bouge pas mal par là-bas, et qui a un article intéressant, entre autres, sur Enid. Et d'ailleurs, c'est une des principales informations. Et oui, cette prestigieuse formation Enid, vous connaissez certainement, groupe anglais des 70s et puis des 80s, qui, parachever sa musique, n'hésitait pas à enregistrer des albums en 45 tours, a été parmi les premiers à faire des CD, a fondé son propre label de disques aussi pour ces mêmes raisons. Eh bien, Enid vient de se séparer en novembre. Et oui, les deux principaux membres du groupe sont lassés, en ont un peu marre après plus de 10 ans de carrière et se retirent. Non pas de la musique, mais s'arrêtent un petit peu du côté de Enid et vont peut-être, je pense, entamer des carrières solo. Bon, je signale pour les amateurs de planant que, avant la part, on écoute du progressif, du hard progressif et aussi du planant. Actuellement, on entend en fond sonore Peter Bowman, un de ses premiers albums solo, sorti en 76, Romance 76. Peter Bowman, bien sûr, ex Tangerine Dream, mais qui a fondé ensuite un superbe label de New Age, on en passe aussi également sur Bonaparte, je rassure tout le monde, un label donc de New Age qui s'appelle Private Music, qui est un label allemand qui a produit des petites perles, comme on a entendu déjà dans les précédentes émissions. Je continue au chapitre des news avec donc je voulais signaler déjà qu'un mensuel qui s'appelle Art Force consacré au Hard est bien édité une fois par mois puisqu'il est mensuel, une feuille sur Rock Progressif. Bon, la dernière bien sûr parle du dernier Floyd et du dernier Marillion, donc je reviens pas dessus. À signaler aussi le Lyon Poche Strasbourgeois, enfin ce qui correspond là-bas à Lyon Poche, a édité une pleine page s'il vous plaît sur les activités du Progressif actuellement en France, que ce soit Harmonie, que ce soit Muséa, que ce soit Anoxy. D'ailleurs on reviendra un petit peu sur toutes ces choses-là, puisqu'il y a plein de choses neuves. Qu'est-ce qu'il y a de neuf encore? Je termine mon petit blabla. Muséa, donc le label de rock progressif français, même je dirais presque européen, qui a d'ailleurs été consacré à un des meilleurs labels de rock progressif par les Américains. Eh bien Muséa sort deux albums, où on importe. Le deuxième album de Sagrado qui est un groupe brésilien dont on avait passé de larges extraits ici. Arc-en-Ciel, qui est un groupe superbe dans la tradition de Ezra Winston. Et enfin, un groupe italien, et Quantum, qui est un groupe aussi brésilien. Voilà, fini les tracas, fini de souffrir, on passe tout de suite à la musique avec maintenant Stackridge. Stackridge, c'est un vieux groupe des années 76, à mi-chemin entre Supertramp et les Beatles. Ben oui, pourquoi pas. Stackridge. Thank you. here, apparently, he sits, old man on a rubbish tip. In actual fact, he's miles away, thinking of another day, a girl he met on holiday. Il y a tellement de choses à voir et à savoir qu'on en créa un Minitel. Francis 15, code Brume FM. Eh bien oui, le Minitel 3615 de Brume FM, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, on y trouve plein de choses, entre autres, tout savoir sur le rock progressif, bien entendu, une trentaine de groupes sont listés, les dernières news, tout sur la littérature progressive, sur les principaux labels, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'éclater, vraiment, la tête et le reste, un petit régal. On trouve également aussi tous les concerts de la région, comment se réserver... une place, la grille des programmes, on peut également dialoguer en direct, il y a le Fucktop, je crois encore s'il existe toujours. Enfin bref, de quoi faire, vraiment à ne pas une occasion de communiquer, de rentrer en contact avec le rock tel qu'il vit et qu'il est vivant actuellement. Quelque chose à ne pas rater. Brume FM 3615. Bon, on va continuer tout doucement notre bonhomme de chemin de Bande à part. Bande à part, première émission de l'année. Avec l'illustration de ce qu'on trouve dans le dernier Harmonie. Alors, dernier Harmonie, vous savez qu'il est consacré au Benelux, c'est-à-dire Belgique, Hollande et Luxembourg. Bon, Luxembourg, on passera très vite vu que les groupes progressifs n'existent pas. Et par contre, on va s'attarder un petit peu plus sur la Belgique. La dernière fois, on avait eu pas mal de choses sur la Hollande, entre autres Kayak. Mais cette fois-ci, la Belgique, avec le tout premier album, s'il vous plaît, tout premier album de Machiavel. Machiavel est un groupe qui a fait de très belles choses en son temps. Au début, disons, les trois premiers albums étaient très beaux. Après, il a viré un petit peu dans du hard FM. Bon, chacun ses goûts, mais c'est vrai que c'était pas ce qu'on attendait un petit peu de ce groupe très talentueux. Ensuite, on passera à Prélude. Prélude est une petite rareté en exclusivité encore sur la radio. Un album, un vrai collector, pour envoyer le jargon habituel. Et oui, Prélude a sorti en 79, a autoproduit un album qui s'appelle Voyage, avec de fortes influences de Yes. Et cet album est très intéressant, d'autant plus que c'est le pré-Now, ce groupe dont on vous a parlé et dont on a passé de larges extraits sur cette antenne. Et on terminera ce voyage en Belgique avec Isopoda. Isopoda est un petit groupe bien sympathique, assez proche de Kayak par la démarche, qui a sorti deux albums, et on écoutera un extrait du deuxième album. Voilà un petit peu pour la Belgique. On va enchaîner tout de suite, si la technique veut bien suivre, avec Machiavel. In time there is no place for you. In space there is no time for me. So I scream, pain, now take it. Leave it where it can stay. In time there is no space for me. In space there is no place for you. So I scream the pain, now take it away. Leave it where it can stay. Like the wind, you'll fly away. Like the time, you'll fly away. So I scream my pain, oh, take it. Leave it where it can stay.